RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Notre docteur en ligne, c'est David Elia aujourd'hui. Bonjour, bonjour David Elia. Bonjour. Vous êtes gynécologue et c'est bien une question pour vous que me pose Benoît. Voilà, sa compagne et lui-même ont été infectés par le virus des papillomavirus, que vous connaissez bien, j'imagine. Les papillomavirus, oui. Ces fameux virus. Donc, ils ont subi deux interventions chirurgicales au laser. Sa compagne a également une intervention chimique pour supprimer les condylomes qui étaient présents au niveau du col de l'utérus. Et il aimerait savoir comment se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce problème, afin d'avoir bien sûr une sexualité normale, parce qu'il a peur de continuer à se recontaminer l'un l'autre. Oui, alors ils n'ont pas eu de chance, hein, tous les deux, parce que d'après ce que je comprends, d'abord ils ont été en contact avec les papillomavirus qui donnent les condylomes, c'est-à-dire les verrues vénériennes qu'on peut avoir sur le gland, sur la vulve, le gland chez l'homme, la vulve chez la femme, qui sont pas très inquiétantes, mais qui sont épouvantables à faire partir, et qui donnent des récidives assez importantes, avec des, il faut faire des lasers, ça fait mal, c'est embêtant, il faut retourner, enfin c'est bon. Et puis, si je comprends bien, elle a eu une attaque d'une autre sorte de papillomavirus, qui sont attaqués, cette fois-ci, à son col. Et là, il a fallu faire une petite intervention, c'est-à-dire une conisation, pour éradiquer la lésion qui avait été provoquée par cette par ces papillomavirus qui, eux, ne donnent pas des condylomes, j'espère que je me fais bien comprendre, oui, et oui, qui donnent moi, je vous comprends, en tout des cas. Lésions du col. Bien. Alors, non, ils n'ont pas de peau, mais surtout que c'est très rare que l'homme ait une anomalie de ce type. Je pense que lui, il a dû avoir les petites verrues, c'est-à-dire ce qu'on appelle les condylomes, et il n'a pas dû être intéressé par l'infection du col de sa compagne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sinon à appliquer les traitements. Maintenant qu'ils sont contaminés, vous savez que la vaccination contre les papillomavirus n'est pas thérapeutique. Elle est préventive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, malheureusement, ça ne sert à rien de se faire vacciner. Ça ne sert à rien, on sait que le vaccin ne marche pas. Par contre, on peut dire que c'est l'intérêt de ce vaccin, d'ailleurs, on peut dire, c'est qu'il protège contre les condylomes, c'est-à-dire les petites verrues, et aussi contre les anomalies du col. Donc ça veut dire que si elle avait eu ce vaccin avant d'avoir ses premiers rapports, ou en tout cas dans les premiers temps, eh bien elle aurait été, toute cette galère ne serait pas arrivée. Alors ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est pas grave quand même, parce qu'il n'y a pas de cancer dans l'affaire, les choses en ce qui concerne le col de cette femme sont prises en main, ça veut dire qu'elle a été traitée. J'ai l'impression, d'après le mail, que ce qu'ils redoutent, c'est que ça recommence avec les verrues, les végétations vénériennes, comme on les appelait avant. Ils ont surtout l'impression qu'il vaudrait mieux pas trop faire l'amour, parce que sinon ils se recontaminent au fur et à mesure. C'est pas idiot, et le problème, c'est qu'effectivement, le préservatif n'est pas un garant. C'est beaucoup mieux que rien. Mais comme ce sont des germes qui se transmettent par la peau aussi, par le contact, par la bouche, pardonnez-moi, aussi, donc il y a toutes sortes de raisons de se dire que si l'un est infecté, est-ce qu'il ne va pas infecter l'autre? C'est vrai que qu'est-ce qu'elles ont de la chance, les petites de 14-15 ans qui vont être vaccinées et qui, dans 10 ans, 15 ans, ne rencontreront absolument pas ce genre de problème. Mais alors, combien de temps avant d'être sortie d'affaire? Pour le col, en général, c'est très rapide. Hein. Elle a eu une conisation, elle est a priori guérie. Mais les végétations vénériennes, les verrues, les condylomes, tout ça sont des synonymes. Ça peut être, c'est désespérant. Ça peut être désespérant. Préservatif, évidemment, c'est mille fois mieux que rien, mais on n'est pas sûr qu'il ne faut pas se recontaminer l'un l'autre. Bien, écoutez, au moins ça a le mérite d'être franc. C'est pas grave. Les verrues et les condylomes, ça bouffe la vie, mais c'est pas grave. D'accord. Le grave, c'est le col. Or, le col, elle a été traitée. D'accord. Merci David Elia, merci beaucoup. Allez, au revoir. On continue.